décembre. Je vais être en formule trio rock comme Rush, mais ayez pas peur, il y aura pas de solo de drum. Fait que c'est ça, mon oncle Serge à l'Anti des 26 et 29 décembre. Billets chez Exo, lepointdevente.com. Tous les détails sur Internet. Rock on! Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Terra Incognita, en formule un peu spéciale. Et bonsoir. Vous êtes en compagnie toujours de Bruno, France, Marc et Jean-François. Et oui. Ben oui, c'est une formule spéciale, je vais... On fait un bilan, on est dans notre, un peu notre bilan de fin d'année, puis c'est le fun de se retrouver. Eh oui. Oui, puis on va faire une émission hybride, dans le sens que la première heure sera un choix musical de moi-même et la deuxième de Marc. Et bien, on a toujours des choses intéressantes, comme un artiste qui est très impressionnant, c'est Richard Schaublum. Il a déjà eu des extraits, Marc, t'en as mis. J'ai essayé d'en mettre une qu'on n'avait pas mis. Oui, mais il y en a plusieurs de bonnes. De toute façon, il y a presque 70 minutes, l'album. Oui, il y a des bonus tracks là-dessus. Il y a trois bonus tracks, mais ça donne 73 minutes, en tout cas, facile. On l'a reçu hier, fait que... Oui, pas eu beaucoup de temps. On sait que on l'aime beaucoup, l'émission, là, Richard Schaublum. Son show était très bon. En plus, on le suivait avec Belfish. Toi, tu es un grand amateur de Belfish. Ah oui. Bon. Inconditionnel. Comment tu le trouves, celui-là? Friendship? Ben, c'est tout récent. Là, il comme parle de France son disait. Enfance dans ça. Là, beaucoup d'histoires de son enfance. Ah, j'ai pas eu le temps de m'arrêter au texte. Là. C'est trop récent. Là, il est rentré. Ben, avec la grève des postes, il y a eu des ralentissements. Hein? Puis je l'ai attendu longtemps. Puis finalement, il est rentré hier ou avant-hier. Je pensais avant-hier. J'ai eu le temps de jeter une oreille deux ou trois fois. Là, puis oui, je suis pleinement satisfait de ce disque-là. Ah, oui, c'est vraiment dans la même lignée. Là. C'est son style à lui. On sait que c'est lui. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Il raconte, mais il me fait penser à Plus 2646 Comfort Zone, le dernier Belfish. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là un peu. En tout cas, tu le connais juste à peine. Là, mais en tout cas, moi, il m'a fait penser à cet album-là. Je ne sais pas pourquoi. Oui, peut-être un peu. Des accents, en tout cas. C'était lui, l'homme aussi de Belfish, beaucoup. Là. Ben oui, c'est lui qui composait tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à des changements énormes. Là. On est encore en zone de confort. Ça risque de faire partie de la liste là, des top 15 là, de plusieurs personnes, je pense. Richard Schaublum, même s'il est assez récent. En ce qui me concerne, il va se retrouver très, très haut dans le classement. Ça, c'est... D'accord. Je suis déjà assuré de ça. Oui, c'est pas mal. Si on a plusieurs pièces coup de cœur, justement, ce soir, qui est dans notre top 15 des 2018, là, c'est pas mal... On s'était donné le mot, là, disons. Oui. Et tout de suite après ça, il y aura un extrait de Progressis numéro 94. En fait, je pense que c'est le seul extrait qu'on n'a pas mis jusqu'à maintenant, parce qu'on l'a fait jouer pas mal, ce disque-là. Il y avait plusieurs bonnes pièces, dont Francis Descamps, là, que tu avais mis. Oui. Très bonne pièce. J'aimerais ça, pouvoir trouver cet album-là. Mais... Ah, j'ai bien essayé. Mais, moi aussi. Il y a toujours moyen, là. Mais, Moi, le trouver. Oui, mais Ouais. Parce qu'il y a probablement qu'il aurait fait partie de mon top 15 si je l'avais eu, puis j'avais eu le temps de l'écouter, mais tu sais, là, regarde, on y va avec ce qu'on a le temps d'écouter. Hein. Ben oui, il y a une belle description aussi là, dans le magazine. Quelle pièce de Progressis? Ben, ça va être Dilemma. Non, Dilemma. Ben oui, Dilemma. Je ne connais pas du tout. Donc, une découverte là, avec... Bien, en ce qui me concerne, c'est pas tout à fait une découverte, parce que je les avais découverts en 1995, alors qu'ils avaient sorti un premier album, et ils sont restés silencieux tout ce temps-là. OK. Là, je me demandais, est-ce que c'est encore le même groupe? C'est un groupe des Pays-Bas, et la pièce qui est là-dessus, ben moi, je la trouve plutôt bonne. Hein? Fait que ça va être un petit bloc avec juste deux pièces musicales dans les 12 minutes. Là. Allons-y avec ça? Oui, on y va en musique. Have passed. I wanna make this moment last. I recognized your voice when it broke the silence. Time and time again, you called for me, my friend. So I opened up my heart, but you were gone. So I wanna know how to let my feelings go, 'cause I can't see you clearly anymore. You tell me I froze when you came too close, but you're the one who left me. Spiral can draw me in over. follow you down again. It took me too long to get back up. If you fall, I can follow you down. Follow you down again. Oh, it took me too long to get back up again, up again. The chill of November, the

écoutez CKRL 89.1. Pour la période des fêtes, la boîte à pain vous offre la bûche royale des cadents. Une génoise roulée au chocolat, mousse au chocolat noir 64% cacao, cœur croquant de feuilleté praliné, décor meringue chocolat noir et glaçage royal. Découvrez la bûche royale des cadents et deux autres saveurs aussi succulentes jusqu'à Noël dans nos trois succursales, Saint-Roch, Sainte-Foy et Limoilou. Boiteapain.com. La Korrigane tient à remercier sa clientèle toujours aussi fidèle en cette fin d'année 2018. Notre équipe prend relâche du 22 décembre au 3 janvier afin de prendre toutes les forces pour vous accueillir en cette nouvelle année. On vous attend de pied ferme dès le 4 janvier prochain. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 Dorchester. A very Merry Christmas, say Merry Christmas to you. Hey, de retour! Ben oui. Et c'était Dilemma, et qui fait penser pas mal à Spock's Beard. Hein? C'est possible, là. Écoute, ça a une saveur. Je le découvre aussi, là, même si je l'avais un peu écouté, la compilation, parce que c'est fourni sur la compilation là, qui vient avec le magazine progressiste numéro 94. Ben oui, 94. Puis c'est le groupe Dilemma. C'est un groupe de quel endroit? Des Pays-Bas. Des Pays-Bas. Ah. Qui était silencieux. Je ne connaissais pas du tout, moi, comme tu disais, tu connaissais leur premier disque. Ben oui, seulement deux disques en plus de 20 ans. Ah, OK, en plus. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont très, très productifs. Là. Ils ne sont pas les seuls qui ne sont pas productifs. Qui a pas ça? Ben, je ne peux pas te nommer des noms, mais il y en a que ça prend du temps. Ouais. Ben, quand, entre le deuxième et le troisième an de la guerre, c'est écoulé bon moment aussi. Oui, une vingtaine moment. D'années aussi. Ah, oui, entre 94 et 2013 environ, je pense. 2012. Ouais. Il était là pour le Nirfess Apocalypse. Oh que oui, c'est vrai. Oh que oui, oui. Oh que c'était bon. Et juste avant, c'était Gongfly, extrait de Friendship, on a entendu. If You Fall, Part 2. Et le Part 1 est sur son album précédent qui s'appelait On Her Journey to the Sun de 2017. Un très bon disque. Et on va poursuivre en musique avec... Ben, pas tout de suite, là. Il y avait France, ça voulait nous parler un peu, là, qu'en 2019, on risque de se ruiner, là, les amateurs de rock progressif. Ben, oui. Ça va coûter cher, les shows, en 2019. C'est incroyable ce qui s'en vient dans les 6 premiers mois de 2019, là. Tu dois en avoir au moins 10. J'en ai plus que ça. Ben, avec le festival, ça en fait plus que 10. Ah, ben oui. Moi, je commence toujours par le festival qu'on a hâte à ces dates-là, qui est le 17, 18 et 19 mai. Il y a Ace Project qui va ouvrir les trois journées du festival. Le 17, il va y avoir Oak et Bjørn Riis. Ouais, deux Norvégiens. Norvégiens. Ouais. Le 18 mai, c'est Basta, italien, Ace américain, puis Airbag norvégien. Ouais. Le 19 mai, ben, notre petite groupe de Montréal, Inner Space, Fido, américain, Finistère, Italie. Italie. Ben oui. Hey. Chance extraordinaire. Italie Zufanti. Le 4-5 janvier, au Grand Théâtre, c'est The Musical Box, avec un nouveau spectacle. Absolument. Mmh. Ensuite, le 2 février, salle Jean-Paul Tardy, c'est Hommage à Roche et Marianne. Un spectacle qui avait été fait au Colisée, là. L'avais-tu vu, ce spectacle-là? 84, 85? Ça, c'était... Je pense que c'était en 85, oui. Je pense 85, que c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Faisait Power Windows, puis Marillion présentait leur album, là. Oui, c'était... Misplaced Childhood. Exactement. Le 19 février, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep de Limoilou, c'est Neil Moore's Band. Le 23 février, c'est au Cégep Garneau, Marion Script Revisited, en espérant que ça va être vrai ce coup-ci. Ce coup-ci. Ah oui, hein, c'est Mick deux rapports. Mick Pointer, qui était le batteur original de la formation Marillion. Ben oui. Ah oui. Je vais dire le dernier pour février. Continue. Le 26 février, au Grand Théâtre, c'est Alan Person. Alan Person Project, Alan Person. Le 1er mars, Jean-Paul Tardy, c'est The Flower King. Avec Ryan Stolt. Oui, le 22 mars, la salle Jean-Paul Tardy, Mystery et Frost. C'est un programme double. Ah oui, un programme double. Là. Frost, c'est du Royaume-Uni, c'est ça? Oui, avec John, comment il s'appelle? Donc, c'est lui de Arena, là, le guitariste. Oui. Ouais, j'ai un plan de Moi aussi. John Mitchell. Bon. Le 30 mars, à Jean-Paul-Tadieu, ben, c'est Arena. Arena, on va le voir. Le retour, là, parce qu'ils sont venus l'an dernier. Oui, ça fait pas longtemps. Ben oui. Le 6 avril au Capitole, c'est Dream Theater. Dream Theater, oui. Je pense qu'il ne reste plus de billets, par exemple. Ouais, non, c'est ça, c'est chaud. Il y a des bonnes chances. Puis ça n'a pas été long. Ouais. Avec un nouveau disque qui s'en vient au mois de janvier ou février. Ah oui, c'est très... C'est annoncé aujourd'hui, le 13 avril, à la salle Sylvain Lelièvre, Saga. Saga, oui, qui avait fait une tournée d'adieu la dernière fois. Ben oui, donc une nouvelle tournée d'adieu. C'est ça, ben c'est la résurrection. Ça s'en vient là, bientôt. Là. Ils sont pas les premiers. Ça part, c'est vrai. Ben, le 14 il faut qu'ils naissent d'abord. Ben oui. Excusez-moi. Le 14 mai, à la salle Sylvain Lelièvre, Riverside. Riverside, oui. Et le 1er juin... Frog Story au Palais Montcalm. Ah, OK, oui, c'est vrai. Là, ils vont se présenter pour la première fois au Palais Montcalm. Ben oui, ils changent d'endroit. Ouais. Mmh. Et le 15 septembre au Grand Théâtre, ben, c'est M. Hackett. Ben oui, c'est ça, M. Hackett qui s'annonce beaucoup d'avance. Hein, oui. Ça dit qu'il ne perd pas de temps. Ah, ils ont réussi à survivre à ça, c'est qu'on a un portefeuille. Il faut qu'on fasse des choix. Il va être mis à un régime minceur. Oui, ça se peut. qu'est-ce que tu nous présentes pour le prochain bloc? Ben, il y a la musique avec Arab et Naspic de leur album Live. Et ça sera suivi de Nad Sylvan et de Windmill. Détaille ça en venant. Ouais. Fra en drøm. Det dripper blod fra kniven

fire. A bewildered soul across the fields, the young man runs, he falls, he kneels, he cries. They cry, shame I've never known to see what we become. And the rumbling sand arise again. Rumbling sound arise. vous souhaite de très joyeuses fêtes. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. On a terminé ce bloc-là avec The Windmill, un groupe anglais, avec un disque qui s'appelle Tree Boss. La pièce qu'on a entendue s'appelle Storm. C'est un bon disque. Vraiment excellent, hein, oui. Puis une bonne pièce. Puis c'est assez représentatif. Là, c'est un disque qui s'écoute très bien d'un bout à l'autre. Là. Nat Sylvan, ça vient d'une compilation. Bon, je cherche mon disque. D'une compilation qui s'appelle Harmony for the Elephant. Four Elephants, puis c'est un disque qu'on trouve toutes sortes de pièces. Il y a Roger King, Anthony Phillips, Steve Hackett, Tony Patterson. Il y a même la belle-sœur de Steve Hackett, là, Amanda Lehman, qu'on a vu souvent à ses côtés. Non, hein, on fait des petits potins. Puis, oh, oh. Et il y a Nick Magnus aussi. Donc, c'est pour des fonds pour protéger les éléphants. On sait qu'en Afrique, ils sont surexploités pour l'ivoire encore, même si c'est illégal. C'est dans ce but-là. Et on avait débuté avec Arab Inaspic. C'est un extrait de Sendeness Maggie. C'est le titre de leur album précédent. Et ça vient d'un nouveau disque qui s'appelle Live at Avant Garden. Et vraiment excellent. Ben oui, c'est bon parce que c'est des versions qui sont différentes. Donc, on les a vues il y a quelques années au Festival Terra Incognita. Plusieurs années maintenant. Ben oui, c'est autour de 2010 peut-être, quelque chose comme ça. Et c'était un très bon spectacle et surtout très fort. Oui, ils mettaient l'ampli le plus fort possible pour avoir toute la distorsion. Réjean regarde un souvenir, étant donné qu'il a brûlé son ampli. Oups! Ouais, un bel ampli Fender qui a été grillé. Là. Mais sur ce disque-là, ils n'ont pas grillé d'ampli. Là, mais c'est on un très bon pas, disque. Mais... ben, en tout cas, il n'y a rien qui paraît. Rien qui n'y paraît, oui. Ouais. Ben, j'ai préparé aussi un choix musical pour la prochaine heure. En lien avec mes top 15, puis je vais débuter avec mon album préféré de cette année, Oscillazione Alchimico Creative. Ben oui! Hein, vous savez, je l'ai tellement fait jouer. Hein? Ben oui, tu l'as. Ben oui, ben je le ressors encore. Parce que je l'ai écouté depuis qu'il est sorti, là, depuis février. En fait, ce qui m'a fait connaître cet album-là, j'ai vu ça passer, puis j'ai vu qu'il y avait des musiciens invités sur ça, comme par exemple David Jackson. Bon, ça a attiré mon attention. Mais il y a aussi plusieurs autres musiciens invités, là, des musiciens de plusieurs connus, de plusieurs formations. Puis, ça a attiré mon attention, mais c'est vraiment un excellent album. Puis, au cours de l'année, d'ailleurs, je pense que Michel l'a découvert aussi. Il a fait jouer d'autres disques de Oak, parce qu'il y en a quand même 4 ou 5 à l'heure actif, mais on les connaissait pas du tout. J'ai connu ce groupe-là cette année. Puis, j'irai avec la pièce sur Circe. Et il y a aussi Yukai Chronoship que j'ai beaucoup aimé. Oui, très bon. J'en ai parlé pas mal. Puis toi, tu nous avais fait découvrir l'autre d'avant. Moi, je connaissais les deux autres d'avant. Le Rocket Dino Oxygen, le premier, là, on avait fait jouer. Et, ça avait été sur Progressiste. Puis je m'étais procuré l'album. Puis le deuxième, je le connais moins. Je sais que tu l'as fait jouer pas mal. Puis celui-là, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un de mes albums. Puis la pièce que j'ai choisie, The Airship of Jean Giraud. Jean Giraud, c'est un dessinateur là, qui était dans Spirou, qui a fait des bandes dessinées, là, des dessins de bandes dessinées futuristes. Il faisait des vaisseaux, comme un genre de vaisseau un vaisseau spatial ou un vaisseau qui flottait. Puis c'est donc The Airship of Jean Giraud de Yukai Chronoship. C'est un groupe japonais. Aussi, un autre album que j'ai bien aimé, Gleb Koliadin. Ah oui. Lui, c'est un Russe qui est dans I Am the Morning. Puis, on ira avec une pièce qu'on n'a jamais écoutée encore à l'émission, Kaleidoscope. Et je terminerai la prochaine demi-heure, finalement, avec la Dottrina degli Apostoli. Comme Bruno me faisait remarquer, si vous regardez la pochette, là, on se croirait dans le studio ici à CKRL, parce que ce qu'on voit quand on est à la console, c'est exactement l'image des deux fenêtres qui sont là. Où on est actuellement dans le studio. Oui, c'est bien trop vrai. C'est un copyright, là. Arrivederci, Sogni. Tiens, vous pouvez, mes compatriotes le voient eux aussi. Mais Bruno m'a tout de suite fait remarquer quand il a vu ça. Il dit, on dirait ici le studio où on est assis. Moi, en tout cas, ça va faire partie de mes 15, celui-là. Oui, ben, moi aussi, tout à fait. Ben, c'est dans mes top 5, là, ceux-là. Celui-là, il est dans mes 10, hein, je te dirais. Alors, on ira avec Sulla Via del Ritorno, qui est une pièce instrumentale. Donc, on y va tout de suite avec Oak. Apro le mani ma stringo polvere, profili d'ombra i tuoi occhi neri, vulcani liquidi persi tra i venti lassù. Dai tuoi segni, tu pagana Circe in silenzio sei, accendi il sole la mia identità, letto di paglia freddo e vuoto ormai. I won't get anything in my hands. So it's just a matter of path that we only passengers on earth. On earth. On earth. Che chiare, ma la paura non mi abbandona mai, seguo l'incanto di pascoli lontani, il tuo richiamo è sinfonia per me. We're

je suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Il y a du monde récemment à Québec qui ont comparé le troisième lien avec une ligne de poudre. Encore des propos qui vont renforcer les préjugés contre les toxicomanes. Si comme moi et ça vous choque, venez vous défouler au show de mon oncle Serge les 26 et 29 décembre prochains au bar Lanty à Québec. Ça va être deux soirées rock où mon oncle Serge va vous chanter des tunes de ses nombreux albums en vente en magasin puis en ligne. Un achat en ligne d'ailleurs, c'est comme une belle ligne de poudre bien drette. On peut faire ça avec une carte de crédit. Fait que c'est ça, les 26 et 29 décembre prochains, c'est mon oncle Serge C'est une bonne pub. Oui, c'est drôle. Et de retour, il nous reste seulement une demi-heure, mais quand même, on s'amuse. Vite, hein? Ça passe tellement vite. Ce qu'on a entendu juste avant, la Dottrina degli Opposti. C'était un nouveau groupe italien. Ça. Ouais. Puis, on avait eu Gleb Koliadin. En plus, lui, il est de la Russie. C'est tous des noms c'est un peu difficiles. C'est tous des beaux noms, hein? Oui. Yuka et Kronoship et Oka. Oak. Oui, à ne pas confondre avec le Oak norvégien. Oui, effectivement, c'est ça. Si vous voulez voir exactement ce qu'on fait jouer avec la façon que ça s'écrit, là, allez faire un tour sur notre site www.interreconita.québec dans la section radio, puis vous allez avoir le détail. Également, accès à nos podcasts. On en a 250 quelques aussi en réserve dans les archives. Les archives que vous pouvez consulter en allant justement, en cliquant sur les liens, puis en allant voir nos archives de podcasts. Sur le site, on poursuit avec un doublé américain de disques que j'ai bien aimé cette année. Perfect Beings, le troisième disque, Veer. Mm-hmm. Veer qui doit vouloir dire trois, j'imagine. Mais il y a quatre pièces sur ça. Qu'il veut dire quatre. Ah, mais oui, probablement, parce qu'il y a quatre clés, là, quatre grandes plages, mais ça se sépare en peut-être 17 parties. Là. Mm. On ira avec la pièce New Pyramid qui débute l'album, là, qui est dans Ghedra. Également Glasshammer. Glasshammer, ils m'ont surpris avec cet album-là. Ils sont arrivés avec un son qu'on connaissait pas du tout de Glasshammer, avec beaucoup des saxophones, puis le vocal de Matthew Parmenter. mais la pièce que j'ai choisie, c'est une pièce instrumentale, It Always Burns Sideways, que je trouve excellente. Puis également, une découverte que j'ai faite, là, c'est un groupe du Danemark, Varket, et c'est leur second album. j'en avais fait jouer une pièce. Oui, je me souviens. Ça, ça fait très années 70. Je vais faire une transition avec l'autoroute. Là. Il y a Stéphane qui s'en vient justement, qui va nous préparer l'autoroute avec le rock des années 70, puis pour faire une transition. J'avais pensé à ça, Varket du Danemark et Maladai, qui est un groupe de la Suède, il me semble. J'ai pas toutes mes notes avec moi, mais on vous a fait jouer ça plusieurs fois dans l'année. De la Finlande, Maladai, voilà. C'est leur deuxième disque. Leur premier est en 2005. Celui-là s'intitule Toinen Toista. Ça va terminer. Puis je vous prononcerai pas là parce que c'est en finlandais. Je m'essaye même pas. Ils chantent en finlandais. puis l'autre d'avant, c'est en danois. Alors ça va toujours bien. C'est ça. Mais pour commencer, deux Américains, Perfect Beings puis Glasshammer. All the kids mixed up, mutated, transposition, regenerated life. Enter the center, the center, the center. In a cup to know, root to the crown, bottom to top, downside down. All the kids ripe and rotated into a woven jump on a wild blue guy. Enter the center, the center, the center. Soon on the wing she had to fly. What's

from above has taught me some things. He doesn't use what he's been giving and he takes it for granted. Spoiled in every way except the talent he washes away. He got big guitar and started writing some things.